Faire le tour du côté des Saguenay de Chicoutimi qui ont fait un beau voyage en fait dans les maritimes compte tenu des circonstances de l'équipe jeune et ainsi de suite. On en parle avec le descripteur Sébastien Morin. Salut Sébastien. Hey Allô, Dorian. Sébastien, m'a posé la question, je te l'ai posé en dehors des ondes, mais je vais te poser en ondes pareil pour que les gens le savent un peu. Qu'est-ce qui est le plus drôle? Est-ce que c'est aller en Abitibi ou aller dans les maritimes? Mais ça, c'est pas manquer de respect envers les gens de l'Abitibi, là. C'est juste. Non. Sans manquer de respect aux gens de l'Abitibi, c'est beaucoup plus plaisant d'aller dans les maritimes que d'aller en Abitibi. En Abitibi, c'est deux petits marchés. Ça ressemble un peu plus, je dirais, au nord du Québec, à la forêt, des lacs et tout ça. C'est une expérience qui est différente, mais dans les maritimes, quand on visite les villes de Moncton, Halifax, Cap-Breton, c'est loin, c'est très, très loin. Mais de la façon dont on voyage avec les Sags depuis le début que je suis descripteur des matchs les quatre dernières années, d'habitude, quand on monte au Cap-Breton, hormis les intempéries, on voyage en deux jours. Donc, on est parti lundi matin la semaine passée. On a voyagé jusqu'à Moncton. C'est une dizaine d'heures d'autobus. Le lendemain matin, on a complété le trajet à environ 6h-6h30 entre Moncton et Cap-Breton. Par la suite, on a voyagé du Cap-Breton à Halifax, qui est une cinquaine d'heures. Et par la suite, ça a été Halifax-Moncton. C'est à peu près 3h15 à peu près de temps de route. Et par la suite, retour au Saguenay. Mais si tu me demandes qu'est-ce que je préfère le plus entre l'Abitibi et les Maritimes, bien, les Maritimes arrivent très, très, très, très loin. Okay. Donc, c'était quand même un beau voyage des maritimes. Yannick Jeune va être content, là. Exactement. L'objectif, toujours sur la route, là, peu importe, ben, on voudrait tous les gagner, les matchs, ça, c'est sûr et certain. Mais de remporter la moitié des points disponibles sur ce qu'on avait comme match dans ce voyage-là. 3 en 4, le voyagement, c'est des milliers de kilomètres. Les jeunes qui sont loin de la maison, c'est le plus gros voyage de la saison. Il y avait des études à travers ça, le voyagement, tout ce qui s'est passé aussi dans les nouvelles concernant la gestion de l'équipe. Les gars ont très, très, très bien fait ça. Hormis les 4 dernières minutes du match contre le Breton, mais ce serait peut-être 5 points sur 6 que l'on aurait pour revenir dans les maritimes, parce que ça a été un bon match quand même face aux Eagles du Cap-Breton. Puis, tu sais, les Wildcats de Moncton, ça représente une des très bonnes attaques de la Ligue de hockey junior majeur cette saison. On menait 2-0 en première période, ils ont remis ça 2-2. On a pris les devants, on est revenu dans le match par la suite. Les gars font preuve de résilience, font preuve de courage, se sont bien battus, ont passé outre, je te dirais peut-être, la perte d'énergie dans les fins de rencontre avec le voyage. Comme je disais un peu plus tôt. C'est pour ça qu'on décrit des matchs, c'est pour ça qu'on sacrifie des choses, c'est pour ça qu'on passe sur la route avec ce club-là. C'est pour voir des Julien Carignan sortir du banc de pénalité et égaliser la marque quand il sera en échappé, puis des retours. En tout cas, c'est vraiment plaisant, puis ça a été un très, très beau voyage, je pense, pour tout le monde dans l'entourage des Saguenay. Nicolas Roy, il commence à jouer comme le joueur que Marc Fortier a payé très cher pour l'avoir? Ce sera jamais le joueur que Marc Fortier a payé le prix au départ. C'est-à-dire payer très, très cher, sacrifier un peu l'avenir du club pour Nicolas Roy. On l'a mis dans une mauvaise position, le jeune, quand il est arrivé au Saguenay. Les attentes étaient excessivement grosses. Tu sais, c'est un premier choix overall dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Les attentes sont excessivement impressionnantes. On pensait qu'elle allait remplir le filet alors que c'est un joueur complet, Nicolas Roy. C'est un joueur qui joue est, ouest, nord, sud. C'est un joueur qui est capable de jouer dans n'importe quelle situation, avantage numérique, désavantage numérique, dans les fins de match. C'est un excellent gars pour les mises en jeu. Nicolas Roy est plus du type joueur complet, joueur d'utilité dans une équipe, dans un calibre supérieur, que ce soit avec l'équipe Canada des moins de 20 ans éventuellement, ou dans la Ligue nationale de hockey. C'est le genre de joueur que tu pourras mettre sur une troisième ou une quatrième unité, d'aller prendre les grosses mises en jeu. Jordan Stahl est le type parfait, l'exemple parfait de Nicolas Roy, et cette année, il a travaillé excessivement fort pour améliorer sa force physique dans le haut du corps. Il est capable de déplacer des joueurs seulement par son physique. 6 pieds 4, plus de 200 livres, ça aide. Il a de très, très, très bonnes mains, un excellent tir des qu'il utilise de plus en plus, et ce qu'il faisait pas dans le passé, qu'il fait maintenant, il se positionne devant les gardiens, il ramasse des retours de lancer, puis c'est des points gratis pour Nicolas Roy. Et présentement, avec le trio de Jonathan Boursier et Alexandre Jacob, c'est un des trios qui est excellent dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, puis je pense que quoi, il y a 24 points en 14 matchs, puis 14 matchs de suite avec au moins un point pour Nicolas Roy. Depuis son retour du camp des Hurricanes de Caroline, c'est un joueur transformé, et j'aimerais ça qu'Équipe Canada Junior l'invite au championnat mondial des moins de 20 ans, mais il n'a pas participé au 15 finales. Il part avec deux prises, je dirais, dans son cas, mais de la façon dont il joue présentement, il aurait sa place, c'est sûr et certain. Et comme je te disais, sur un troisième ou un quatrième trio pour faire face aux meilleures équipes adverses, aux meilleurs trios adverses dans ce grand championnat mondial des moins de 20 ans qui aura lieu. Mais ce type de joueur-là, et on parle de Brendan Gallagher pour jouer à la Coupe du Monde, la Coupe du Monde l'été prochain. On dit que Brendan Gallagher est surveillé de très près par l'équipe Canada. Donc, c'est pas nécessairement toujours des quatre trios super offensifs. Ça prend toutes sortes de joueurs pour faire une bonne chimie dans une équipe, là. C'est pour ça que t'as un bon point, là. Exactement, ça prend des gars qui sont capables de le mettre dedans, mais ça prend aussi des gars qui sont capables de préparer le jeu pour que des gars comme Jonathan Boursier réussissent à enfiler l'aiguille par la suite. C'est pas tout le monde qui sont capables de faire ce que Nicolas Roy fait sur la glace présentement. Je sais qu'il fait pas l'unanimité de par le prix qui a été payé au départ pour l'acquérir, mais présentement, c'est un des meilleurs joueurs de la LHJMQ. Je le prends dans mon équipe n'importe quand, puis c'est surtout un très très bon individu, quelqu'un de très très très fun à côtoyer dans notre équipe. Je veux te parler de Philippe Boucher en fin de semaine. Philippe Boucher a fait une sortie contre les arbitres. En tout cas, es-tu d'accord avec la sortie de Philippe Boucher? Ben, c'est un peu, je dirais, à quelque part, je pense que de par le il était un peu excessif, je dirais, comme commentaire de la part de Philippe Boucher, mais dans diverses situations, il faut souvent que tu sonnes la sirène d'alarme. T'sais. Puis je pense que Philippe Boucher, c'est ce qu'il a fait ou a essayé de faire. Il y a beaucoup de gens dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec qui pensent que on devient de plus en plus un sport. On dénaturise un peu les habitudes nord-américaines dans le monde du hockey. C'est-à-dire, on enlève les bagarres, on enlève les grosses mises en échec. On veut du jeu rapide, on veut des buts. La base du hockey, quand j'étais jeune, moi, c'était de l'accrochage, ça frappait, et il y avait des combats à tous les matchs. Je suis pas un partisan du combat planifié comme on peut voir dans la Ligue nord-américaine de hockey, mais je pense qu'encore, il y a certains combats qui ont leur place dans certaines situations de match. Sauf que mon petit côté bipolaire ou est-ouest ou yin et yang me dit quand je vois des Connor Garland se battre et se péter la tête sur la glace après un combat, ça j'aime moins ça. Quand je vois des Laurent Dauphin puis des Anthony Manta se battre, puis les officiels les laissent se battre jusqu'à temps qu'il n'y ait plus d'énergie, puis qu'Anthony Manta il a le dessus sur mon Laurent Dauphin, ça j'aime pas ça non plus. Mais quand il y a une situation, il y a un mauvais contact qui a été fait, tu sais, quand Julien Carrier a donné la mise en échec à l'endroit de Gauthier du côté de Val-d'Or, il savait qu'il allait devoir se battre après, puis il a fait face à la musique, ça c'est correct, ça c'est parfait. Mais de demander que ce soit des petits gars propres, des petits gars droits, des petits gars qui sont des bons étudiants, ça je comprends le point de Philippe Boucher, et c'est quelque chose qu'on devra réviser par la suite. Sauf qu'en même temps aussi, il y a des recours collectifs qui s'organisent de la part d'anciens joueurs. Il y a toujours l'épée de Damoclès, qui est à dire le syndicat des joueurs de la Ligue canadienne de hockey. Quand ça va être entré en ligne de compte, qu'on devra payer des salaires aux joueurs et tout ça, ça devra être des petits étudiants parfaits, puis une belle image pour la Ligue de hockey junior majeur du Québec, mais en même temps, tu sais, que de voir Philippe Boucher parler de son gars, dire j'aime ça quand il s'allume, j'aime ça quand il se bat, j'aime ça quand il devient un bum sur la patinoire, c'est peut-être pas la meilleure façon de faire passer le message, mais je pense que ça en prenait un qui le fasse. Il va payer pour ça, ça c'est sûr et certain. La Ligue de hockey junior majeur du Québec va protéger l'image de la Ligue, mais de voir un Benoît Groulx supporter les commentaires de Philippe Boucher, et il y en a d'autres qui pensent pareil dans la LHJMQ, ben ça va peut-être pas changer les choses, pas ramener ça comme c'était dans les années 80 et les années 90, mais au moins de garder peut-être le côté physique, le côté intense dans le monde du hockey. Puis je pense qu'il y a un public pour ça. Il faut pas le négliger, ça, c'est sûr et certain. Mais ça n'explique pas nécessairement les assistances. Je suis pas sûr que c'est interrelié. Le spectacle est encore excellent dans la LHJMQ. Puis je pense pas que ça a rien à voir avec les batailles, le fait qu'il y ait moins de monde dans les Sébastien, là-dessus, moi, j'ai fait un voyage avec quelqu'un cet été, avec quelqu'un qui adore le sport, qui est près des dépisteurs à Gatineau. Et il me disait, puis il faut en prendre dans l'essai, là, il me disait qu'un dépisteur, il a dit qu'ils suivent actuellement, les dépisteurs suivent la Ligue de hockey junior du Québec en raison qu'il y a des joueurs européens fort intéressants. Il dit, ce serait rien que des Québécois, on ne le suivrait même plus, la Ligue de hockey junior du Québec. Il y a ça aussi, puis tu sais, il faut regarder en amont, il faut regarder au départ, il faut regarder Hockey Québec, il faut regarder la façon dont les joueurs sont développés dans la tombe, dans le Pee-wee, dans le Bantam. Tu sais, on enlève les mises en échec, les gars arrivent dans les calibres supérieurs puis sont pas capables d'appliquer les mises en échec qui sont de façon légale et correcte. C'est souvent les coups à la tête et tout ça. Si on leur montre dans un calibre un peu plus jeune à appliquer les bonnes, de bonnes façons les mises en échec, je pense qu'ils vont arriver dans le junior majeur puis vont être prêts pour ça. Tu sais, l'argent qui est dans le monde du hockey, tu sais, un gars que ses parents travaillent pas puis ils ont pas des bons emplois, essaye de le faire jouer dans le double lettre ou dans le triple lettre maintenant dans des calibres inférieurs. Tu sais, un gars qui joue Pee-wee 2A là, c'est au-dessus de 5 000 $ de frais pour les parents. Tu sais, 5 000 $ aujourd'hui, essaye de trouver des gens qui ont ça dans leur compte de banque. C'est une denrée très très très très rare. Tu sais, il y a une classe de joueurs de hockey qui a totalement disparu, c'est-à-dire les gars dans des familles peut-être moins bien nantis. Puis moi, on m'a toujours dit qu'il y avait des gens qui étaient là pour payer pour ça, mais je suis convaincu que dans le choix des parents, dans l'influence qu'ils donnent à leurs enfants, ben ils vont les diriger vers le soccer ou vers le baseball où ça coûte bien, bien, bien moins cher. Dans le monde du hockey, c'est excessivement exorbitant présentement. Puis tu sais, on le voit par les pays qui commencent à monter sur la scène mondiale, la Suisse, l'Allemagne, c'est des pays qui ont beaucoup, beaucoup d'argent, qui sont capables de développer des joueurs, qui sont capables d'engager des entraîneurs à temps plein dans les calibres inférieurs pour développer les joueurs pour les calibres supérieurs. Puis de plus en plus, on va en avoir dans la Ligue nationale et dans d'autres ligues de ces joueurs de ces pays-là. Tu sais, au Québec, il va falloir à un moment donné que l'argent cesse d'être implanté dans les structures, puis que les joueurs de hockey, ça serve à leur développement et non pas à payer des voyages à certaines personnes dans le monde. Ben, Sébastien, on s'en reparle. Cette semaine, est-ce que c'est un voyage, est-ce que c'est une semaine assez chargée? Deux matchs en fin de semaine, vendredi soir contre les Remparts de Québec et samedi, c'est contre les Voltigeurs de Drummondville. Samedi, ce sera le match des toutous, ceux qui veulent s'en venir au Centre Georges Vézina samedi. Apportez-vos toutous, puis au premier but des sacs, ils vont lancer sur la glace, puis on donne ça pour des bonnes heures. Merci beaucoup, on s'en reparle lundi prochain, même à même poste. Le descripteur des matchs du Seigneur, Sébastien Morin.